qui vle ou efface doule ke mwen se te fè ou. Tout qui vle ou pe grave sa ki te bel en fond chè ou. L'amour nous était sans poésie. Détruit, ça nous vivait plus plaisir. Tout qui vle mon petit danser la li chèche la limba ou. Qui vle Paris connaître sa quitte en moi, sa quitte ou. On l'aime nous mélanger sans tabou. Juste en l'esprit en nous vini fou. L'aime vini pour moi. Ou foule la pour moi. Sans jamais maille à moi. Ouvre pour moi. Qu'on aux yeux blessés. Mais tu crois qu'à tourner. Tourne juste ton père. Je sais.